nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Barbe bleue, c'est Barbe bleue. La fée Carabosse, c'est la fée Carabosse. Et le chaboté, c'est le chaboté. Chacun dans son coin, chacun dans son conte. Entre chacun de nous, dit le chaboté, il y a une page blanche. Jusqu'à l'arrivée de Jules Supervielle. Il faudrait écouter cette fiction, elle date des années 30, sa version radiophonique du début des années 50, dans une vieille demeure face à un feu de cheminée, nous prévient le présentateur. Mais chez soi, aujourd'hui, cette nuit, face à un poste de radio encore énergique, ou à une chaîne, dernier cri, laissant généreusement le son envahir les lieux où l'on se trouve, afin que tout le monde en profite, ou au contraire, en se le gardant pour soi, ce texte, au casque, à vous de choisir. Ah oui, entre les personnages de Charles Perrault, pour un instant, il n'y aura pas de page blanche. Un jour, plus tard, ils se quitteront. Nous nous éloignons, tous trois, pour mieux nous rapprocher, à la faveur du papier, qui gardera notre joie, dira la belle au bois. Ces personnages deviendront des images d'Épinal. Après s'être éloignés du livre, ils rentreront au bercail. Mais nous n'en sommes pas encore là, loin de là. La preuve, voici La Belle au bois, présentée par le Théâtre Populaire juin 44, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 28 décembre 1951. Le Théâtre Populaire de juin 44 présente sous la direction artistique de Roger Dattis Jean Davy, sociétaire de la Comédie Française, Germaine Dermoz et Arlette Thomas, André Burgère et Hieronymus dans La Belle au bois, une pièce en trois actes de Jules Supervielle avec Olga Nilza, Pierre Ferval, Odette Briane et André Gire. Monsieur Maurice Bertrand, secrétaire général du mouvement d'action culturelle juin 44, vous parle. La nature ne saurait être cruelle, elle est belle. Les êtres ne peuvent être méchants, ils sont bons. La laide ne saurait être laide, car elle participe de la beauté universelle. Allons dans la vie, frémissant d'un optimisme que rien ne déconcerte, et vivons dans la joie. Ainsi parle le poète, heureux de vivre en chantant. La Belle au bois que nous vous présentons ce soir est l'œuvre d'un poète et son auteur, Jules Supervielle, participe à cette magie idéaliste qu'il a si profondément exprimée. La Belle au bois fut créée en 1932 par les Pitoyev et Louis Jouvet en fit les beaux soirs de ses tournées dans l'Amérique du Sud. Avec infiniment de grâce, elle met en scène les personnages des contes de Perrault, ces créations de l'imagination populaire et que Jules Supervielle anime d'une exquise fantaisie. N'est-il pas délicieux d'entendre le sinistre Barbe Bleue prononcer ces paroles ? La vie est belle et simple, il n'y a qu'à se laisser aller au petit trot de son cheval en regardant de votre côté, belle Amazone. Et la Belle au bois lui répond : « Mon beau seigneur, je vous ai changé en un bouquet de pervenche. » Cette suite de légendes forme un récit adorable qu'il faudrait écouter dans une vieille demeure, le visage penché sur l'âtre où danseraient les petites flammes d'une bûche agonisante. Ne cherchez pas de vérité dans cette fantaisie, elle pèserait trop lourd sur nos pensées qui ne cherchent que l'oubli. Le poète est roi. Et il s'écoute chanter avec ravissement. Mes chers amis, songez que c'est notre dernière émission de l'année. Je garde le sentiment que nous formons une grande famille, invisible mais vivante, qui se groupe dans un commun désir d'élévation de l'esprit et du cœur. Comme souvent, elle nous témoigne sa sympathie. C'est à elle tout entière que je dis ce soir. Croyons en un avenir meilleur, plus paisible et moins rude, qui nous laisse goûter un peu la douceur de vivre. C'est pour vous que je forme ces vœux, c'est à vous que je les adresse au seuil de l'an neuf, pour vous réserver à chacun une part d'espérance. Et maintenant, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, bonsoir. Le grand salon du château de la Belle au Bois, en Bretagne. La marraine est penchée sur la Belle au Bois, qui, assise près de son rouet, chante. Tu es le cœur de la forêt. Tu en es la profondeur et la fraîcheur. Quand tu t'endors, les oiseaux cessent de chanter, même ceux qui sont très loin d'ici. Et les arbres retiennent leurs feuilles prêtes à tomber jusqu'à ce que tu te réveilles. Je l'adore, ta grande forêt de Bretagne, avec tout ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Chaque jour, on a une surprise. Une fois, c'est une biche blanche, à force d'y penser, qui montre sa tête à la fenêtre, un bon moment, comme si elle allait enfin poser la question que les biches ont toujours eue au bout des lèvres. Une autre fois, c'est le vent qui traverse les bois, et les arbres se durcissent pour ne pas tomber. Je l'adore, ta forêt. Elle est belle et noble. Et recommandable entre toutes. Mais les arbres, ce n'est après tout que du bois et des feuilles, et ils ont vite fait de vous dire leur histoire. Oh, ma reine, ne me laisserez-vous pas aller à la ville pour mes 16 ans? Mais tu es bien trop jeune encore. Cette ville que je n'ai jamais vue. Je resterai près de vos jupes comme à l'abri du plus grand chêne. Mais tu es plus grande que moi. Vous êtes bien plus puissante. Allons donc. Je ne suis plus qu'une pauvre femme peureuse. Je vieillis. Mes pouvoirs de fée sont usés. Oh, pourtant, la cuisinière prétend que vous devinez une erreur d'addition rien qu'en appuyant la main sur le carnet. Je le lui laisse croire. Voyons, ma reine, ne voudriez-vous pas du moins me dire comment je suis venue ici et pourquoi vous m'y retenez? Je ne connais même pas la mère qui est à deux lieues du château. N'es-tu pas heureuse? Vous m'avouerez qu'une jeune fille de mon âge, toujours au milieu d'une grande forêt, c'est à peine croyable. Car enfin, je ne suis pas une boule de gui, ni de l'écorce de bouleau, ni un petit peu de mousse. Mais si je restais encore ici, je ne serais bientôt plus qu'une petite herbe, toute juste bonne à faire des tisanes. Que vais-je encore passer toute une année sans voir un seul garçon? Même par la fenêtre? Dans ce grand cloître d'arbres? Parlez, ma reine, c'est votre tour. Oh, qu'ai-je connu du monde jusqu'ici? Il y a le cavalier qui s'est approché un soir en poursuivant un lièvre, et dont je n'ai vu qu'un bras et une jambe, entre deux branches. Il y a le bûcheron blessé que vous avez pansé avec un peu de mon linge. C'est tout ce que je sais de lui. Ah, mon enfant, toujours occupé du dehors. Et regarde plutôt les albums que je t'ai donnés. Mais vais-je donc ne connaître le monde que par des images? Oh, elles sont plus importantes que tu ne penses. Elles ont toujours un sens. Et moi, je ne t'aime jamais autant que lorsque je te vois au fond de ces bois immenses, comme dans une image. Oh, merci bien. Que pouvons-nous, pauvres humains, avec nos gestes désordonnés? Les images ont su choisir, et juste ce qu'il leur fallait. Ma reine philosophe, je ne voudrais pas vous déplaire, mais sachez bien que les images ne sont bonnes que pour les enfants qui se reposent sur elles de tous les mouvements qu'ils font. Oh, et pour les personnes comme vous, à qui ces images servent de gymnastique sans fatigue. Et moi, je leur en veux. Parce qu'elle tente de nous contacter avec rien, avec le néant. Et le moindre mouvement m'enchante bien plus que toutes ces destinées de papier peint. Et il est des jours où je donnerai des coups de pied et des coups de poing, rien que pour me prouver que je ne suis pas une image. Mais j'en ai assez de feuilleter les merveilles du monde, et les animaux classés d'après leur nourriture, et les 50 façons de danser en rond sans danseur. Mais oui, mais vous me donnez envie de me tourner vers la fenêtre. Si je te garde ici, c'est pour obéir aux ordres de quelqu'un. Mais nommez-le donc, cet homme. Vous avez même peur de dire un nom. Oh, que vous êtes timoré quand il s'agit de moi. Je te jure qu'avant un an, tu auras quitté ces lieux. Et tu pourras choisir le compagnon que tu voudras. Tu m'entends? Que tu voudras. Là, nous nous échapperons toutes les deux, s'il le faut. Oh, regardez donc, mademoiselle, le cadeau que vous fait la forêt pour votre anniversaire. Quel beau lièvre. Oh, qu'il est vivant. Oh, je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Je veux le garder là, près de moi. Allons, au rapport, toi, chaboté. Tu m'apportes des nouvelles du dehors. De ce grand dehors que je ne connais pas. Toi qui es le seul monsieur à plus lieu-lieuse à la ronde. Fais donc parler tes bottes. Pourquoi nous avais-tu caché les premiers temps que tu avais des bottes de cette lieu? Je voulais étudier un peu la place. Je ne tenais pas à être toujours envoyé en commission par Mons et par vous. Je vous dirais que je suis plutôt casanier, comme mes frères, les non-bottés. Qu'as-tu fait de bon ce matin? J'ai été en Bourgogne pour les épinards. Je connais là-bas une bonne adresse, et pour le filet de bœuf dans le Nivernais. Pris une langouste à Porquerolles, il fait. Elles y sont délicieuses. Enjambé Orléans à mon retour. Ramassé en passant du croissant dans la campagne. Une poule et le lièvre que vous savez. Mon Dieu, que la France est petite. Le tout ne m'a pas pris une demi-heure. J'ai eu de la pluie, du soleil, du brouillard et de la neige. Bref, la France se porte bien. J'aurais voulu vous rapporter un peu de neige d'Auvergne, mais j'ai beau aller vite, ça m'aurait mouillé tout mon panier. Autant de routes d'un seul coup, je t'admire. Et comment t'y prends-tu? Dehors, mes bottes me possèdent complètement. Je deviens une ombre immense, avec la tête en plein ciel, et je n'ai qu'à me laisser aller pour escamoter les horizons. Pas d'incident? Peu de choses. J'avais mal calculé une enjambée et je me suis mouillé une botte dans la Loire. Je voudrais rire aussi, mais cela nous est interdit par la nature. J'oubliais de dire à madame qu'on vient d'apporter cette lettre pour elle. Oh, cette écriture. Je vais lire cette lettre dans ma chambre. Et de qui est la lettre que tu viens de remettre à ma reine? Oh, tu dois le savoir, toi, qu'il n'y a plus de finesse qu'aiguille de dentelière. D'un homme. Oh, tout de même. Jeune et irascible, si j'en crois son écriture. Quelle majuscule. Et des jambages fougueux qui emportent tout sur leur passage. Oh, brave beauté, tu es ma consolation. Mais il y a autre chose. Savez-vous que quelqu'un rôde autour du château? Pas possible. Oui. Ce n'est pas un vagabond ordinaire. J'ai pu suivre sa piste à des lettres de femmes tombées de ses poches. Oh, montre-les! Elles ne sont pas pour les jeunes filles. Excusez-moi, je veille aussi sur vous, moi. Oh, allons donc, et pourquoi n'es-tu pas allé voir ce que vous laisse rôdeur? Impossible de régler mes bottes. Elles n'aiment pas les petites courses. Dès qu'elles sont dehors, elles deviennent si nerveuses et fringantes que je ne puis les maîtriser. Hier, comme je voulais les diriger doucement vers cet inconnu, voilà que tout de suite, elles me lançaient comme une flèche à étang, par embouillée, à monte. Et ce rôdeur? Je crois bien que madame votre marraine a dû deviner sa présence. Rien ne lui échappe. Et si elle est tourmentée ces jours-ci, c'est qu'il se passe quelque chose qu'elle ne parvient pas à démêler. L'entendez-vous qui pleure dans sa chambre? Et ce vagabond, disais-tu? Mais vous ne pensez qu'à lui. Et vous me parlez comme si j'étais moi-même un bahut ou une chaise. Mais j'existe aussi, belle au bois. Ma belle bête fabuleuse. Mais si tu existes, mais tu es même unique à ta façon, mon grand chaboté. Et tu peux être fière d'avoir l'usage de la parole alors que toutes les autres bêtes ne peuvent pas dire ce qu'elles ont sur le cœur. Ni le chien qui vous regarde d'un œil plus qu'humain. Ni le cheval qui tourne vers vous la tête, une tête. Oh, vide de parole. Ni l'oiseau qui voudrait dire simplement ce qu'il éprouve sans être toujours obligé de le chanter. Et toi, tu peux tout exprimer, mieux que le centaure à corps de cheval, mieux que la sirène à queue de poisson. Et que voulez-vous que je fasse de cette voix qui sort de toute cette grisaille de poils, de cette impossibilité animale? Et tu peux dire, j'ai mal à la tête. Tu peux dire, j'ai encore faim. Tu peux dire, bonjour, belle au bois, avez-vous bien dormi? Alors que toutes les autres de bêtes du monde ne peuvent que faire mou, miaou, ou aboyer, hennir, braire. Elles ne peuvent même pas dire merci. Et à quoi cela me sert-il, puisque je ne peux pas vous dire « Belle au bois, je vous aime ». Oh, chut, Minet. Oui, chut, Minet. C'est bien ça. Je passe mon temps à dire chut à mon amour, à mes instincts, à tout mon sang qui ne me sert à rien, à mes pattes ornées de griffes à qui il est défendu de caresser, à mes yeux trop fixes à qui il est défendu de regarder, à toute cette triste fourrure à qui il est défendu de s'approcher. Eh bien, oui, je suis malade de ne pas être un homme. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, chaboté? Mais tu te révoltes contre la nature. Si du moins je pouvais vous emporter vivante dans mes bras, vous faire voir du pays, vous déposer plus vivante encore à Séville, à Grenade, à Venise. Oh, mais tu es fou. Ah, il me faut en échange porter modestement ces victuailles au fourneau. Oui, je suis un peu en retard. Rendez-moi le lièvre, mademoiselle. Cela regarde la cuisinière, maintenant. Est-ce que c'est une heure, madame, pour m'apporter un lièvre à vider? Non, non et non! Calmez-vous, ma fille, c'est la fête de mademoiselle, un jour exceptionnel. Et puis, j'ai absolument besoin de parler à madame. Ce maudit chat ne fait pas bien son service. Oh. Hier, il y a un homme travesti en un tas de feuilles mortes qui s'est approché du château. Et le félin était incapable de lui demander ce qu'il faisait là. De deux choses l'une, ou bien le chaboté fait ici fonction de valet, ou il ne le fait pas. C'était à lui à aller voir. Et madame, sait-elle pourquoi il n'a pas bronché? Il prétendait que ses bottes ne lui permettaient pas d'aller si près. Monsieur préfère courir les routes de France. Est-ce qu'il n'aurait pas pu aller pieds nus voir ce qui se passait? Je lui ferai des remontrances. Oh, et puis madame, jamais je ne m'habituerai à ce voisinage. Il passe son temps à se lécher, comme tous les chats. J'ai toujours travaillé avec des chrétiens, moi. Mais ce n'est pas à mon âge qu'on a envie de changer de religion. Mais ma brave femme, il a des bottes qui sont une richesse dans une famille. Tout de même, me faire manger à l'office en face de cette bête, qui n'en est pas une, mais qui en est une tout de même, et qui a une queue qui le gêne pour s'asseoir, et une moustache qui n'est pas comme tout le monde. Les hommes vous ont un visage qui change. Le sien, c'est comme une idée fixe. Colère, joie, chagrin, indigestion et bon appétit. C'est toujours deux yeux tout ronds et six poils raides de chaque côté, d'un petit nez de rien du tout. Mais il se tient très convenablement. Certainement, madame. Mais pour se mettre en appétit, il lui faut une souris vivante. Si vous croyez que c'est agréable. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux avoir un honnête valet de chambre en chair et en os, comme tout le monde? Et vous savez bien que le patron ne veut pas qu'il y ait d'hommes ici. Mais madame, on ne le voit jamais, le patron. Et puis le château serait beaucoup mieux surveillé. Nous pourrions avoir du moins des chiens de garde. Madame sait bien que le chaboté, en entrant ici, a posé ses conditions. Pas de chien dans la maison. Rassurez-vous, une fois pour toutes, nous garderons le beauté. Oh, je sais bien que mademoiselle me préfère une bête. Allons, allons, ma fille, calmez-vous. Regagnez gentiment votre cuisine. Oh, je regagne, madame. Je regagne. J'aurais passé ma vie à regagner ma cuisine. Je regagne. Mademoiselle. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mais est-ce bien pour moi? Oui, mademoiselle, pour votre fête. Oh, mais qui donc m'envoie tout ceci? Oh, d'où sortez-vous, petit page? Je ne puis le dire. Oh, quelle merveille! Oh, comme j'ai dû m'ennuyer jusqu'à présent, moi qui ne reçois jamais de lettres. Mais c'est comme des nouvelles qui m'arriveraient d'un autre monde. Et ce n'est pas tout. Voici le coffre au miroir. Et des brillants en collier comme la vague au soleil. Une grande panoplie pour vous faire aimer la vie. Qui songe ainsi à mon corps et le couvre de trésors? Oh, je suis heureuse entre toutes, celle des bois et des routes. Mon Dieu, quelle impertinence de ce côté de la rance. Si je lavais mes fourneaux, je compterais les cadeaux. Et des coussins de couleurs que recouvrent des dentelles. Et chacune représente une province de France. La Bretagne basse et haute pour la tête, où sont les sons? La Normandie pour la nuque. La Beauce pour les cheveux. Le Dauphiné. La Provence, pour que s'allongent les jambes. La Guyenne et la Gascogne, pour chacun des petits pieds. Et voici d'autres coussins, pour les provinces qui manquent. Mais qui vous envoie? Dites-le moi, je vous en supplie. Chut, chut. Ce doit être le chasseur que j'ai soigné la semaine dernière. Mais il n'avait pas l'air bien riche. Il y a certainement du bouc là-dessous. Chut. Faites plutôt chanter l'oiseau dans sa cage. Il dira le nom à sa façon, dans son langage d'oiseau empaillé. Et lui du moins ne se fera pas renvoyer. Tiens-toi sur tes gardes, mon enfant. C'est de ton destin même qu'il s'agit. Il est beaucoup plus près que je ne pensais. Il s'avance. Mon Dieu, je le vois de face. Et j'entends son pas sur le gravier. Baron de la Barbe Bleue, entrez donc. Je savais qu'il se passait ici quelque chose de délicieux, mais c'est inimaginable. Retire-toi, mon enfant. J'ai à parler à monsieur. Bien, ma reine. Mais pourquoi vous retirez-vous, adorable jeune fille? Je vais vous expliquer. Va, mon petit. N'est-ce pas à vous, seigneur, que je dois ces magnifiques présents? C'est bien peu de choses. Va, va, je remercierai pour toi. Mademoiselle, ne vous éloignez pas trop, n'est-ce pas? Et qu'un simple rideau nous sépare ou une cloison de feuillage, car un mur entre nous, ce serait affreux, même pour quelques instants. Seigneur. Vous avez fait bon voyage? Oui, nourrice, excellent. Et je suis un peu en avance. Vous avais-je pas dit que je viendrais dans un an, jour pour jour? Mais oui, j'avais justement reçu votre lettre tout à l'heure. Nourrice, c'était une petite farce, comme j'en faisais déjà quand vous étiez ma seule nourrice. Vous en souvenez-vous? Vous me tendiez un sein et je me précipitais sur l'autre. Déjà, je ne voulais faire qu'à ma tête. Vous avez toujours été un garçon un peu fantasque et difficile à élever. J'étais à l'âge ingrat. Ça dure encore. Vous riez. Il me semble que je vous retrouve comme lorsque vous jouiez sur mes genoux. Vous avez toujours été bon pour votre servante. Ma servante, oh, c'est pure humilité de votre part. Oui, voici bien les yeux de votre enfance. Ils ne peuvent me tromper, ces yeux-là, n'est-ce pas? Barbe bleue, dites-moi, qu'êtes-vous venu faire ici? Une petite visite en passant. Une petite visite? Vous savez que j'adore cet enfant, que ses parents, avant de mourir, nous l'ont confié. Je voudrais être morte moi-même plutôt que de l'exposer au moindre mal, au moindre malentendu. Il ne faut pas me prendre ainsi pour un gros nuage noir dans ce salon. Et pourquoi voulez-vous donc que ma présence obscurcisse cette jeune fille? De vilains bruits courent sur votre compte. Eh, vous croyez tout cela? Ayez confiance en votre grand garçon, nourrice. Vous ai-je jamais trompé? Est-ce aujourd'hui par un si beau soleil que je commencerai? Mais parlez-moi donc de cette jeune fille. Oh, c'est une pauvre petite chose sans importance encore. Hein? Habituée à vivre au milieu des bois et des champs d'oiseaux. La moindre émotion la blesserait à mort. Allons donc, nourrice. Elle est presque maladive. Presque maladive, mais ça ne veut rien dire du tout, ça. Oh, on se fait un peu vieille, ma bonne nourrice. Elle est mauvaise, avare, rancunière. Mais il n'y a qu'à la regarder pour voir. Elle est violente. Violente! Ah, que vous mentez mal, pauvre femme. Elle est coquette. Coquette pour les hêtres, les chênes, les ormes, tous ces gentils hommes de haute futaie, mais j'adore ça. Coquette pour le chaboter, peut-être? Mon cher Barbe Bleue, ce n'est pas la femme qu'il vous faut. Mais qui vous parle de ça? Êtes-vous folle? J'avais une façon de régler les affaires d'autrui. D'ailleurs, ne vous effrayez pas, je repars aujourd'hui même. Allons! Allons, où êtes-vous, jeune fille? Ne dégrez-vous pas à vous montrer un peu? Ah! La voici qui approche. Savez-vous ce qu'il faudrait ici? Une brassée de fleurs des champs pour la mettre de notre part à tous les deux au pied de mademoiselle. Allez donc les cueillir, ma bonne nourrice. J'y vais. Et toi, chapeauté? Qu'est-ce que tu vas me regarder? Allez, va, mon ami, va cirer tes bottes comme un petit homme. Mes bottes ont tout ce qu'il leur faut. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il est arrivé ce jour où tu es seul dans la même pièce que la belle au bois. Comme ses 16 ans lui tiennent compagnie. Comme il la serre de près gentiment sans lui faire de mal le moins du monde. De ses cheveux à ses talons, ils sont partout à la fois et partout, ils ont leur petit mot à dire, leur petit mot à ajouter. Que tout cela est beau et juste où il le faut. Et pourtant, elle ne m'attendait pas. Elle a beau tourner la tête, ou bouger le bras, ou avancer le pied, on a toujours envie de s'écrier « Ne bougez pas, mademoiselle! N'essayez pas de faire mieux, c'est là le comble de vous-même !» Seigneur, ne vous moquez pas d'une petite sauvage des bois. Fille des bois! Eh bien oui, demoiselle de la forêt, elle n'en est que plus troublante. Et c'est à peine si j'ose regarder ses yeux qui furent à l'abri des hommes jusqu'ici. Je suis honteux de toute ma surface, de mes volumes et de la singularité de mon visage. C'est moi qui devrais être confuse de ma petite surface auprès de vous, Seigneur. Et cette nourrice qui cachait pour elle toute seule cette fraise des bois derrière ces milliers d'arbres vigilants, eh bien, si elle n'avait pas vu d'homme jusqu'ici, la jeune fille de la forêt, qu'elle sache bien que je n'avais pas, moi, vu de femme, ce qui s'appelle une femme. Rien que de grandes chiennes, des renardes, des rates, des dindes confites, des robes de course en tête, des perruques sans visage, des carrosses de gala, et il n'y avait personne dedans. Vous dites des choses étranges et charmantes. Savez-vous, monsieur, que j'ignorais même votre nom? Et moi, qui la connais depuis plusieurs jours déjà. Vous me connaissiez? Tapis dans les herbes jusqu'à devenir une vraie motte de terre, je l'épiais hier matin. Encore, pendant qu'elle hésitait entre les deux allées principales. Pourquoi ne pas se montrer? Et elle avançait vers moi sans le savoir, d'un pas décidé, quand sa marraine l'appela du fond du château. Au moment où... Monsieur de la Barbe Bleue n'a besoin de rien. D'absolument rien. Si monsieur de la Barbe Bleue avait besoin de prendre une petite tasse de quelque chose, bourrache, fleur d'oranger, camomille, tisane des quatre fleurs, il n'aurait qu'à frapper dans les mains comme ceci. Ou agiter la sonnette comme cela. Je m'en doutais, mon ami. Et va, va. Et va donc. Vous l'avez froissé. Je l'ai atteint dans ses profondeurs animales. Où en étions-nous? Nous en étions partout et nulle part. Dans les neiges et dans les brasiers. Jeune fille, on a dû vous dire beaucoup de mal de moi. Mais non! Vous savez bien, monsieur, que j'ignorais jusqu'à votre existence. Ma vie fait des jaloux. Mais votre marraine peut être tranquille. Depuis que je suis entré dans ce salon, il y a toujours eu entre vous et moi, n'est-ce pas, 2 ou 3 mètres de respect et de déférence. Et si je vous ai regardé, c'est avec une rare circonspection. On dirait vraiment que je suis redoutable. Et depuis quelques instants, je meurs de vous demander quelque chose. Passez-moi votre petit manteau, je vous en supplie que je le tienne dans mes mains. Non ! Lancez-le ! Ce mantelet qui est encore vous. Ah ! Tant de douceur à vous sur cette étoffe légère et la forme même de votre épaule tiède. Je peux prendre tout cela dans mes mains sans lui faire de mal. Je puis l'étreindre de toutes mes forces. En faire une chose mienne et qui ne craindrait rien. Vous êtes mystérieux. C'est le propre des hommes. Vous ne pouvez comprendre encore. C'est votre grande jeunesse qui me fait peur. Oh, je ne suis pas si jeune, j'ai 16 ans aujourd'hui. Oh, je serai bientôt une vieille fille. Donnez-moi aussi cette paire de gants qui est sur la table. Non, non, lancez-la-moi. Chère petite main de soie, je vous aime presque autant que celle que vous cachiez tout à l'heure. Petite montagne des choses qui lui appartiennent. Et moi, je ne vaux pas mieux que ces choses inertes. Silence ! Il n'y a rien d'inerte ici. Il n'y aura jamais rien d'inerte. Vous m'entendez ? Vous êtes la vie même. Et vous accélérez la vie autour de vous. Et mon cœur bat beaucoup plus vite maintenant, dans sa hâte de se rapprocher de vous. Patience, mon cœur. Ce n'est pas encore le moment. Monsieur de la Barbe Bleue n'estime-t-il pas qu'un premier entretien avec une jeune fille doit être bref et laisser des regrets? Oh, chaboté! Si tu continues tout beauté que tu es, tu pourrais bien recevoir un grand coup de botte. Tu me mets hors de moi! Allons, donne-moi tes bottes, misérable chat. C'est ça qui te monte à la tête, espèce de parvenu. Bien, baron de la Barbe Noire. De la Barbe Blonde. De la Barbe Bleue. Je te renvoie! Tu n'es plus au service de mademoiselle. Je reviendrai. Tu crois que je te paie pour m'insulter? Je n'ai pas besoin d'argent. La nature m'a donné un costume sans poche. Je te chasse! J'ai justement affaire par là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce bruit? Nourrice! Il y a que tout ceci est intolérable. Et que l'on oublie beaucoup trop que je suis le maître ici. Et que ce château est à moi. Avec tout ce qu'il contient. Et qu'il n'y a pas dans toute la forêt une seule fourmi, une seule feuille morte qui ne soit à moi et qui ne le sache, ou du moins, elle devrait le savoir. Allez pas croire que je sois une brute pour parler de la sorte et disposer ainsi des arbres, des insectes et des feuilles qui ne sont plus de ce monde. Mais je suis stupéfait d'être dérangé par une bête parlante, et sans doute par la femme à qui cette bête obéit. Et puisqu'il en est ainsi, j'en reste ici toute la nuit. Je m'installe pour toujours, et on verra. Seigneur, on obéira à vos ordres. Oh, mademoiselle, je voudrais effacer dans l'air et dans votre souvenir cette grande colère. Mais j'ai adoré cette colère. Je vous ai bien mal montré ce qu'est un homme. Je ne trouve pas, monsieur. Oui. Mais je comptais partir aujourd'hui même, mais je vais solliciter un petit réduit obscur pour cette nuit seulement. Mais toutes les chambres sont à vous, seigneur. Oh, je n'en demande pas tant. Un simple petit coin, un angle de mendiant où je passerai inaperçu. Je voudrais être si effacé que je me souhaiterais sur ce visage des yeux sans éclat et une petite barbe brise, couleur de la poussière des routes. Nous avons une chambre spacieuse, par ici. C'est la plus belle du château. Vraiment, faut-il que j'accepte toute une chambre? Seigneur, tout est à vous ici. Voyez. Je ne resterai que si mademoiselle m'en prie. Il reste. Il reste. Quelle chance. Elle a eu la bonté de dire « quelle chance ». Mais peut-être ai-je mal entendu. Seigneur, vous avez bien entendu. Voici votre chambre. Oh, mais elle est superbe. Il reste. Toi, petite, par ici, tu m'entends? Par ici. Je suis heureux entre tous les hommes. Sous le même toit qu'elle. Est-ce possible? À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, monsieur de la Barbe Bleue. À tout à l'heure, monsieur. À tout de suite! Ils pensent tous à l'amour. C'est ça, mes petits amis. Et cependant, moi, saboté, seul de mon espèce, beaucoup plus grand qu'un chat et rien d'un tigre. Croyez-vous que je ne serais pas heureux d'avoir une chatte, bottée ou non, à ma taille, ou même un peu plus petite, ou un peu plus grande, mais dans mon genre? Oh, c'est pas que je tienne à toute une marmaille bottée autour de nous. Mais que voulez-vous que je fasse des chattes que je rencontre? Elles sont pas plus grandes que ça. Et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Tout le monde s'en fout. On croit qu'ayant des bottes, je n'ai besoin de rien. Je puis tout de même pas aller coucher avec des tigresses. On se met à ma place. Si du moins j'étais un parti possible pour les femmes. Mais toute la terre en rirait. Le ciel lui-même, pour ne pas étouffer de rire, cracherait des étoiles. Éternuerait des comètes. Au reste, ce serait interdit par la police qui n'aime pas certains mélanges. Pourtant, Dieu m'a donné la parole des hommes. Et l'intérieur de la tête ou cerveau d'un homme. Et l'intérieur de la poitrine ou cœur d'un homme. Puisqu'il est plein de la belle au bois. Et tout cela n'a-t-il pas plus d'importance qu'une misérable peau de bête qui ne ferait même pas une descente de lit convenable? Il faut tout de même que je brosse les affaires du monsieur. Les affaires de ce monsieur. Lui aussi est seul de son espèce avec sa barbe de couleur. Encore trouve-t-il chaussures à son pied? Et à moi la brune, à moi la blonde, à moi la baie et l'alzane. Il prétendait n'être venu ici qu'en passant, mais il avait apporté une malle et deux valises. Dieu des chats, que les hommes mentent de travers. Plus ils sont riches, moins ils se gênent. Et le voilà avec 6 costumes de rechange. Nous, les bêtes, on ne nous donne qu'un complet à notre naissance. Mais il est toujours à la mode et nous avons beau grandir, il nous suit dans tout notre déplacement. Si je m'écoutais, je ne mettrais pas de tablier. Un chat s'est allé partout sans se salir, mais on tient au tablier. Alors, il faut que je brosse les affaires de cet homme à femme. Qui sait tous les corps qu'il a étreints avec ses deux bras? Les hommes ne pensent qu'à ça. Les bêtes, quand c'est fini, on n'en parle plus. Mais il paraît que même lorsqu'ils ont la corde au cou et se balancent dans un arbre, ils y songent encore. Ah. On vient. C'est la cuisinière. Cachons-nous. Comme il dort bien, le seigneur Barbe Bleue. Comme il respire bien, en dormant. Une, deux. Une cadence parfaite. Et sa main qui repose noblement sur sa poitrine. Sa poitrine se soulève sous sa chemise déboutonnée. Il doit y manquer un bouton, il faudra voir ça. Je pourrais peut-être le coudre sur lui. Oh, ce sera tout bénéfice. Ah, pauvre fille, tout ça, c'est de la brioche qui n'est pas pour toi. On m'avait dit qu'il était laid. Mais il est superbe. Simplement. Il n'est pas banal, voilà tout. Madame, souffrirez-vous que je jette aussi un coup d'œil sur cette brioche? Elle doit être cuite à point. Cela ne vous regarde pas. Et vous donc? Je voyais simplement s'il n'était pas temps de retirer son chocolat de dessus le feu. Je suis là par devoir. Et moi, si j'attends que vous sortiez de là, pensez-vous que ce soit par plaisir? Impoli! Il faut que je prenne ses bottes pour les cirer, puisqu'il a été incapable de les mettre à la porte. C'est ça! Attaquez vos maîtres les humains maintenant! Ah, il ne vous manquait plus que cela. N'allez pas le réveiller. Oh, une ombre qui entre dans son rêve, une ombre qui en sort, c'est tout ce qu'il saura de moi. Je n'appuie pas comme vous sur le sol. J'appuie sur le sol, moi? Je n'ai rien à ajouter, madame. Et daignez me considérer dorénavant comme un chat quelconque, non doué de l'usage de la parole. Un chat comme il y en a tant. Car après tout, je suis une exception. Et je ne vois pas pourquoi je parlerai toujours. Alors que sur toute la terre, les autres chats gardent le silence. Et dans la quantité, il y en a qui ont certainement quelque chose à dire. J'en réponds. Si vous dites que j'appuie sur le sol, vous savez, vous aurez de mes nouvelles. Oui, oui, ça va, ne vous fâchez pas. Oh. Savez-vous que je vous aime beaucoup, moi? Vous avez une drôle de façon de me le prouver. Si je vous taquine, c'est que je m'intéresse à vous. Oh, je sais que vous êtes gentil quand vous voulez, monsieur le chat beauté. Je ne vous ai pas toujours rendu justice, non. La chaleur du fourneau m'irrite un peu, parfois. Mais le matin, je suis heureuse de vivre. Voyons que je regarde ça. Mais oui, vous avez le regard reposé, nettoyé, purifié par un joli sommeil de petit enfant. Comme c'est gentil de regarder ainsi dans le fond de mes yeux. Oh, j'ai une idée. Et si on se mettait en ménage, on pourrait se placer ensemble, la main dans la main. Je suis très flatté de votre offre, cher ami, mais ne serait-ce pas une mésalliance? Non, mon bien cher ami. Oh, vous connaissez le cœur des femmes, vous. Alors, il faut tout de même que je cire les bottes. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Eh bien, nous deux. Il y en a un qui vaut beaucoup mieux que l'autre. Vous êtes modeste. Mais n'en croyez rien. Oui. Oh, voilà quelqu'un. Oh, je ne voudrais pas être surprise en grande conversation avec vous. Hein. Je me sauve. Sauvez-vous, imbécile. Oh, que fais-tu là, chaboté? Je t'avais dit que je voulais brosser ces affaires moi-même. Tu as vidé les poches avec soin? Mais oui. Voici un mouchoir et une clé. Cette clé est de glace. Je n'ai jamais rien vu de si froid. Elle me gèle la patte. Cette clé d'argent est petite et lourde, comme si elle avait 100 fois sa taille. Donne-moi ça. Oh! Si je pouvais savoir ce qu'elle ouvre, ce qu'elle ferme, cette clé pleine de silence. Il y a une tache là. Mais ce n'est peut-être pas une tache de sang. Montrez. Ce n'est pas du sang. Je suis sûr que tu mens, affreuse clé. Oh, madame, le métal, comment voulez-vous que ça mente? C'est sincère, ça n'a pas de détour. C'est pas comme la voix des hommes qui cache si bien ce qui est à cacher. Quand j'approche cette clé de mon oreille, j'entends des cris lointains, affreux. Des cris de femmes suppliantes, agenouillées. Et ça s'apaise. Et ça reprend. Pauvre de nous. Moi, je n'entends rien. Il faudrait savoir ce qu'il y a de vrai là-dedans. Est-ce qu'il dort? Il dormait encore tout à l'heure. Je vais m'en assurer. On n'entend rien. Il faudrait voir tout de suite si les renseignements de la magie sont confirmés par les faits. Dépêche-toi, Chaboté, et dis-moi ce qu'on dit de lui en ville. Bien, madame, j'en ai pour quelques minutes à peine. Ah, mais s'il se réveillait et venait à te réclamer durant ton absence, quand il est là, je manque totalement d'invention, j'en perds même la mémoire. Mais madame, n'a qu'à dire, j'ai envoyé le Chaboté faire le marché. Ah. Il suffit de prendre un air convaincu, comme nous, les bêtes, qui avons toujours l'air convaincus. Et pardonnez-moi la comparaison. Alors va, et dépêche-toi. D'ailleurs, j'ai fermé à clé la chambre de mademoiselle. Et s'il la demandait pendant ton absence... Vous lui direz qu'elle dort encore. C'est cela. Oui, va et reviens vite. Mon Dieu, de quel côté me viendra le malheur? Qui frappe ainsi? C'est Barbe Bleue? Non, c'est de l'autre côté. Marraine, ouvrez-moi, je suis prête. Reste encore un petit moment dans ta chambre. Il est très tôt, le soleil est à peine levé. Il est 8 heures à ma montre. Ouvrez, je vous en prie. Et ne penses-tu pas que mon cœur en sait plus long que ta montre? À qui parliez-vous? À la charmante jeune fille? Elle est là dans sa chambre? Pourquoi ne vient-elle pas ici? Elle n'est pas encore levée. Oh, c'est pas vrai, je suis prête! Oh, merveilleuse! Elle est prête! Je ne pourrais pas en dire autant, j'ai entendu parler de mon lit, je n'ai fait qu'un bond. On m'a enfermée dans ma chambre! Pauvre petite détenue! Mais ce n'est pas une si mauvaise idée! Oh, vous êtes cruelle! Oh, j'aime bien vous entendre d'ici avec cette voix qui m'arrive en toute sécurité. Cette voix autonome, séparée de votre corps et vivant sa petite vie de voix dans l'air matinal. Elle qui vient des profondeurs de vous-même. Oh, je voudrais sortir! N'avez-vous pas envie de me voir? Si je n'ai pas envie de vous voir, belle au bois! Ah, fait-on toujours ce qu'on voudrait? Et les arbres se mettent-ils à marcher sur les routes parce que cela leur ferait plaisir? Et quand pourrais-je sortir d'ici? Ne suis-je plus votre ami? Je me contenterai de vous dire... Belle au bois, il faut savoir graduer son bonheur. Avez-vous déjà noué votre chevelure? Mais oui, monsieur. Avez-vous mis le collier que je vous ai rapporté hier? Vous ne vous direz pas que je suis prête si je n'avais pas mis votre collier? Ouvrez-moi donc, je vous en prie. J'achève de m'habiller, alerte jeune fille, je reviens tout de suite. Dépêchez-vous. Sois patiente. Et ne prends pas les choses si légèrement. Réfléchis un peu, ou plutôt, fais une prière, mon enfant. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, les 1000 contraintes que nous nous sommes imposées, toute mon œuvre patiente, il a suffi d'une porte qui s'ouvrait en plein jour, et cet homme est entré brusquement dans notre vie, avec ses affreux éperons. Tenez, nourrice. Gardez ce couteau qu'on vient de m'apporter avec le petit déjeuner. Je n'aime pas les couteaux, quels qu'ils soient. Ne m'en donnez pas. On peut très bien vivre sans couteau et s'en tirer avec une fourchette de rien du tout et une cuillère. Si par hasard je vous demande un couteau, vous m'entendez, eh bien, vous prenez un air distrait et vous me parlez d'autre chose. N'allez pas avoir peur à cause de ce couteau que je vous ai rendu. Je n'en veux à personne, pensez donc. Vous m'avez donné la meilleure chambre et traité avec la plus grande déférence. Mais que ferais-je d'un couteau, je vous le demande? Ah, Chaboté, tu as été long, j'ai cru mourir. Je me suis bien dépêchée pourtant. Parle pas. Eh bien. Oh, madame. Parle vite. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Tout ce que nous craignons est vrai. Oh. Les oreilles me bourdonnent de plusieurs noms de femmes qui ont disparu un beau jour, comme chants d'oiseaux dans le ciel. À part ça, très grand seigneur, généreux, adoré des pauvres et du beau sexe, il y a plus de 30 mendiants et de 50 femmes de la meilleure société qui le poursuivent véritablement. Oh. Mais il les écarte doucement, comme un chef d'État. Et madame ne se doute pas de quoi ces folles sont capables. Il en est qu'ils suivent avec des ciseaux d'or pour tâcher de s'emparer d'un bout de plume de son chapeau. Oh. D'autres qui portent toujours sur elles un poil de sa barbe enfermé dans un somptueux bijou. Et tout cela pour aboutir misérablement au divan de 5 heures ou au terrible lit conjugal. Et elles n'ont pas peur. Mais elles prétendent que ces anciennes épouses vivent cachées pour mieux obtenir les faveurs de leur illustre élu. Oh. Hier, pour venir ici, savez-vous qu'il dut leur échapper, déguisé en pauvre diable? Il n'a revêtu ses beaux atours et retrouvé son cheval qu'au milieu de la forêt. Et pendant qu'il disparaissait par une porte dérobée, ses valets de pied sur le perron de l'hôtel offraient aux soupirantes des rafraîchissements comme à une noce et des trajets comme à un baptême. Oh mon Dieu, où allons-nous? Mais oui, les hommes sont fous, les femmes davantage. Et, n'était madame et mademoiselle, je rendrais volontiers mon tablier au mammifère bimane à station verticale dont l'ensemble forme la triste humanité. Que faire, mon Dieu, que faire? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Jusqu'ici, ça ne l'a jamais pris qu'après le mariage. Mais pourrons-nous éviter un malheur? Sais-tu que j'entends d'ici les mauvaises pensées de ce malheureux garçon qu'il travaille derrière cette porte, le vacarme de son sang à ses tempes? Tu es encore là, toi? Oui. On a raison de te garder, excellent Chaboté. Et je t'approuve de surveiller de près le triste sire de la Barbe Bleue. Ne le perds pas de vue. Si vous parlez ainsi, monsieur, je serai toujours la discrétion même. Nourrice, il faut que vous me disiez quelque chose. J'ai absolument besoin de savoir si vous savez dire non. Dites non pour voir. Allons, il le faut. Je ne comprends pas très bien. Allons, dites non, faible femme. Vous ne comprenez donc pas le français? C'est pas si difficile de dire non. Mais de grâce, à quoi faut-il que je dise non? Peu importe. Vous pouvez bien faire ça pour moi, puisque je vous le demande. Eh bien, non, puisque ça peut vous faire plaisir. Mais il ne s'agit pas de me faire plaisir, mais de vous opposer au contraire à ce que je pourrais demander. Dites non, franchement, sans quoi prenez garde. Vous seriez ma complice et même plus coupable que moi. Eh bien, non. Oh. Misère de l'homme au milieu de toutes les femmes. Et ne commence-t-elle pas par nous mettre au monde pour se rendre indispensable? Et tout de suite après, ça se présente comme nourrice. Il y a beaucoup trop de femmes partout. On ne peut pas sortir dans la rue sans en rencontrer, et par paquets. Si l'on prend l'air à son balcon, il y en a qui de loin même vous empêchent de respirer. Et on en trouve à table, en face de soi, et derrière les portes, et jusque dans son lit. Celle-là, dans les bras de son danseur, c'est moi qu'elle suit les yeux. Cette autre qui se détache de l'ombre de son père pour se jeter dans mes bras. Celle-ci, avec ses yeux verts, là, que me veut-elle, avec sa bouche charnue, avec son nez relevé? Est-ce qu'elles n'ont pas fini de nous toiser de leur regard de douanier qui demande si nous n'avons rien à déclarer? Et jusque dans le ciel, les étoiles sont les yeux des mortes qui réclament aussi leur part. Ah, nourrice, je me sens plus dangereux que jamais. Plaignez-moi, je suis obligé de surveiller mes mains comme de traîtresses dans la place qui n'attendent qu'un moment de distraction pour me précipiter dans l'horrible. Nourrice, de quel lait m'avez-vous fait boire? Vous êtes une brave femme, pourtant. Mais quel lait secrétiez-vous dans votre sein à votre insu? Ne voyez-vous pas ce qu'est devenu votre horrible nourrisson? Oh, mon Dieu. Oh. Belle au bois. Précieuse et délicate créature, petite tasse de la porcelaine la plus fine est toujours exposée, qu'un rien briserait, un simple mouvement d'inattention, la moindre chiquenaude. Je n'ai jamais vu femme qui fût prête à quitter la vie si facilement, à rouler pour un rien dans le noir précipice. Il suffirait de la pousser un tout petit peu, comme en pensant à autre chose, et d'elle, il ne resterait rien, pas un nuage. Rien que cette petite paire de gants sur la table, et le son léger de sa voix dans ma tête sinistre. Pauvre petite égorgée. Écoutez-moi, maintenant plus que jamais. Les paroles que je vais vous dire sont graves, comme la pierre des tombeaux. Écoutez, même si je vous dis de la voix la plus douce, laissez-moi seul avec elle, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut lui faire du mal? Eh bien, prenez garde à l'hypocrisie de l'homme qui veut une femme. Vous m'entendez? Bien, Seigneur. Il n'y a qu'à tenir bon, même si je menace. Qu'on me tranche plutôt la main d'un coup de hache. Mais tu parles de couper et de trancher. Il y a des mots qui, à eux seuls, font un lugubre travail. Monsieur de la Barbe Bleue! Allez-vous-en! Retirez-vous! Okay. Allons, allons, allons, allons! Il faut savoir quitter une pièce, faible femme! Oui, oui, oui. J'en ai assez d'être seule! Vous avez entendu cette voix? Je l'aurai, cette jeune fille, et tout de suite! Non, non, non, non, pas ici! Oh, la chambre n'est pas encore faite. Tant pis, ou plutôt tant mieux. Ce désordre est bon pour la bousculade, il attend nos deux corps. Oh, tout de même, il faut que... La serrure fonctionne, je suis sauvé. Monsieur de la Barbe Bleue? Ah, c'est vous? Vous m'avez fait attendre si longtemps que j'ai sauté par la fenêtre. Oh, un petit bond seulement. Intrépide jeune fille. Quelle confiance vous avez dans votre destinée. Pourquoi voulez-vous que je n'aie pas confiance? Je suis si heureuse de vous voir ici, de vous savoir ici. Vous ne comprenez donc pas? Il y a une jeune fille près de vous, elle vous aime. Est-ce une raison pour être malheureux? L'amour et le bonheur n'ont rien à voir là-dedans. Je vais plus vite en besogne. Savez-vous que la matinée est belle et ronde comme une pomme? Allons faire un tour en forêt? Non, pas de tour en forêt, vous m'entendez? L'heure est passée de la brise des bois et de la parlotte. Je veux vous voir entre quatre murs, des murs qui ne demandent qu'à se taire. Nous resterons ici entre des murs puisque vous tenez aux murs. Oh, mais de grâce, laissez donc cette figure tragique. La vie est plus simple et plus avantageuse que ça. Non, d'autres murs, je vous veux, entre des murs plus sombres et plus discrets. Ne voyez-vous pas que la porte de ma chambre est ouverte? Conservez-vous toujours cette sérénité qui ne veut pas avoir. On a eu beau vous élever dans l'ignorance, hein, il y a des choses que vous devinez tout de même, n'est-ce pas? Que vous sentez dans votre chair et votre sang. Vous trouvez que j'ai la voix dure, c'est parce que je n'ai pas de temps à perdre. Ne sentez-vous pas que je suis comme une bête furieuse, comme un monstre? Comme un homme, simplement comme un homme qui cherche son malheur mais ne le trouve pas. Vous vous imaginez que l'amour est quelque chose de délicat, une histoire de rose qu'on effeuille, mensonge? L'amour tel que je l'impose est une histoire féroce. Et moi, je vous crains si peu que je commence par vous embrasser de toutes mes forces. Au large! Ne soyez pas si confiante! Je ne vous crains pas plus que si vous étiez amputé des deux bras. Mais voyez, je ne tremble pas et je me ris de ces défenses que je sens en vous et autour de moi. C'est parce que vous m'aimez vraiment que vous avez peur. Vous n'auriez pas éprouvé ça devant les autres femmes. Leur peur à elles était leur pire ennemi. Je vous crains si peu, vous m'entendez? Que je vous tendrai les doigts s'il le faut, je vous mordrai la main de toutes mes forces. Je vous grifferai le visage et le barbouillerai de votre sang. Ange du ciel, fillette clairvoyante. C'est ça! Mordez-moi la main, ensanglantez-moi le visage! Je ne bougerai pas, même si tous les couteaux du monde se trouvent à la portée de ma main, et ils ne me feront pas plus peur que de petits poissons d'argent dans l'eau courante. Jusqu'à présent, l'air avait toujours été empoisonné pour moi par le seul voisinage d'une femme, et de ce voisinage, vous avez fait du cristal et du soleil. J'étais jour et nuit dans une armure de fer. Et vous êtes maintenant tout habillé de plumes. Comment me faire pardonner? Je n'ai rien à vous pardonner, je vous aime. La vie est belle. Vous voyez bien? La vie est belle et simple et délicieuse. C'est une descente en pente douce. Il n'y a qu'à se laisser aller sans s'inquiéter de rien au petit trot de son cheval en regardant de votre côté, belle Amazone. Mais vous allez commencer par fermer cette porte. Oh, votre chambre n'est pas faite. C'est vrai. Oh, je vous demande pardon, je suis confus. Je n'ai rien à vous pardonner, je vous aime. Merci, fillette des bois. Il n'y a pas plus fait que vous. Vous m'avez transformé. Je vous ai changé en un bouquet de pervenche. Avant de vous connaître, il n'y avait pas de jeune femme au monde qui ne m'attira lugubrement. J'étais condamné à toute leur quantité. J'allais à la femme comme le taureau à l'abattoir, et je ne ressuscitais que pour y retourner. Vous m'avez guéri de toutes les autres femmes. Alors ? Alors ? Alors, on se marie ? On se marie. Ce soir même? Ce soir même. On file en ville pour la cérémonie? On file en ville, si vraiment vous êtes décidé à me suivre. Mais je ne vous suis pas, monsieur, je vous précède, je vous montre le chemin, et je vais tout de suite m'habiller. Ne perdons pas la tête, il faudra annoncer la chose à ma reine. Je suis prêt à faire ma demande officielle. Oui, je sais, galant homme, mais je pense qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, que je prépare ma reine. Je réussirai auprès d'elle, comme auprès de vous, mon ami. Merveilleuse créature, je vous laisse faire, belle au bois. Miracle à cheveux blonds. Ma reine! Ma reine! Oh, ma reine, nous nous aimons, il n'y a plus qu'à faire atteler. Faire atteler? Nous allons en ville nous marier tout de suite. Oh, c'est un homme étonnant. Et si vous saviez avec quelle délicatesse il m'aime. Mais il m'est impossible de consentir, mon enfant chéri. Mais vous avez tout le temps de réfléchir, vous avez toute une heure pour vous préparer à me donner votre consentement. C'est juste le temps qu'il me faudra pour m'habiller. Mais tu es insensé, voyons. Pourquoi ça? Tu ne sais rien de cet homme. Vous avez des destinées absolument opposées, ce serait folie que de vouloir les mêler. Non, causons un peu. Assieds-toi. Ressaisis-toi, voyons. Ne sais-tu pas combien je t'aime? Il faudra bien pourtant vous y décider, ma petite marraine. Voyons, et quelle robe vais-je mettre pour partir? Celle qui a la couleur de mes yeux, celle qui a la couleur de mes lèvres, celle qui a la couleur de mes mains? Oh, il s'agit bien de robe. Tu es positivement folle. Qui vous dit que je ne vois pas plus clair que vous, ma reine timorée? Écoute, assieds-toi, je t'en supplie. Je vous parle d'amour et vous ne me parlez que de m'asseoir. T'ai-je jamais trompée? Eh bien, ouvrez-moi encore une fois ce cœur plein de conseils. Mais je vous préviens, je suis sourde. C'est beaucoup mieux que des conseils. Ce sont quelques mots qui te permettront de voir merveilleusement en toi-même. Et leur musique, plus que tout, te dira ce qu'il faut faire. J'écoute. Mais sachez que je ne verrai jamais mieux en moi qu'en cet instant même. C'est beaucoup mieux qu'une chanson. Une pénétrante prière qui mettra de neuves lumières aux ténèbres de ta maison. Les mots dans l'obscur de ton être paisiblement se répandront vers la douceur d'une fenêtre dormante au cœur de ta raison. Marine, que dites-vous là? Quelle est cette magie au milieu de mon bonheur? Je me sens étrange et sans force. Il suffira de quelques mots pour te donner un grand oubli. Marine, laissez-moi m'habiller. Quelle robe vais-je mettre? Oh, je ne peux plus me lever. Auriez-vous eu le courage, vous qui manquiez tant de courage, de me tromper avec votre chanson empoisonnée? Oh, Barbe Bleue, au secours! Viens, sommeil, aide-la. Tu saisiras pour elle ce qu'elle n'a pu prendre, sommeil aux mains plus grandes. Vieille femme qui ne pouvait plus donner qu'un grand sommeil. Vous n'aviez pas le droit d'user de ce pouvoir sur moi. Vous n'en aviez pas le droit. Vous m'éteignez en plein bonheur. Oh. Viens, sommeil, aide-la. Sommeil aux mains plus grandes. Oh. Elle dort. Je placerai auprès d'elle ces fleurs qu'elle aime. Et toi aussi, chaboté, avance sans bruit. Mets-toi là. Garde-la bien. C'est à toi que je la confie. Tu vas t'endormir. Il faut qu'elle échappe à cet homme. Je ferai tout ce que vous dites. Vous savez bien que je ne suis heureux qu'à ses pieds. Fie-toi à moi. Tu peux franchir le cercle magique. Je ne dormirai que d'un œil. Non, mon grand chaboté, des deux yeux, comme elle, et à fond. Ce sera la meilleure façon de la servir. Et vous, fenêtres, et vous, murs, et meubles qui l'entouraient, défense de vous réveiller avant elle. Oh, cette épreuve m'a déchiré. Je voudrais écrire un mot. À la belle au bois, le jour de son réveil. Oh, je ne puis achever, je n'ai plus de force. Je les ai toutes données. Adorable plaisanterie, en effet, tout y est. Mais qu'est-ce là, belle au bois ? Que vous êtes belle ainsi quand vous simulez le sommeil pour attiser mon amour. Vous êtes charmante ainsi, mais ouvrez un œil, je vous en prie. Un œil pour me montrer que vous êtes bien éveillée, ou bien levez le petit doigt. Faites-moi un signe de grâce, belle au bois. N'essaie pas de franchir le cercle, mon ami. Tu ne le pourrais pas. Fée sordide, fée cafeuse et désœuvrée. De quel droit avez-vous plongé ma fiancée dans un sommeil magique quand elle m'avait sauvé de ma folie? Mon ami, qu'en savez-vous? Je vous défends de me parler sans vous montrer, maudite! J'étais si bien guéri que je partage avec elle un couteau à la ceinture en signe de joie. Où es-tu, immonde nourrice, grenouille empoisonnée? Paix dans ton âme, mon ami. Ne cherche pas à me tuer. Je n'appartiens plus au monde des vivants que par la voix que j'avais. Où es-tu, garce? Ne me répondrez-vous pas, belle au bois? Ne m'entendrez-vous plus? Elle est à l'abri du monde. Crève donc, toi! Je ne suis plus qu'un esprit. J'ai donné mes dernières forces pour vous sauver tous deux. Mais je t'ai guéri, imbécile! Que la paix soit avec toi. Ce sont mes dernières paroles. Et elle pense être morte en héroïne. Mais il y a d'autres fées au monde. J'ai une marraine, moi aussi. Et il faudra bien que cet enchantement cesse. Fée Caraboche! Tu as souhaité de me voir, mon ami. Tu ne diras pas que je me suis fait attendre. Pardonnez-moi, si vous saviez dans quelle angoisse je suis. Et tout ça pour ce petit moucheron qui dort? C'est elle que j'aime. Porte poil bleu, mon ami. Est-ce là la réponse d'un homme comme toi? Sais-tu que tu es à peine poli? Tu ne m'as même pas embrassé. Si tu n'es pas plus gentil, je te jette un sort. Oh. Veux-tu que je te change en potiron, en salade, en vol au vent? Oh, vous savez bien que je vous aime beaucoup. Ça n'a pas l'air de te faire assez plaisir. Oh. Tu as rudement tardé à te souvenir de moi. C'est bien ça. On ne nous appelle comme les grands médecins que lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Mais tout allait à souhait sur ma folle nourrice. Et le chaboté qu'on a endormi à ses pieds, c'est complet. Quel sommeil s'est abattu sur elle. Il semble qu'elle ne dorme pas seulement pour elle, mais pour des milliers de jeunes filles de la terre. Quel sommeil sur ses paupières. Et ses cheveux même en sont tout embrouillés. Ses mains en sont ensevelies. Et vous, sacrée petite pointe des pieds, comme vous voilà bien endormie. Que serais-je devenue, moi, toute fée que je suis, quand elle se réveillera? Et cette forêt, et la France? Ce sera si long, si long. Elle se réveillera un jour, la belle au bois dormant. Et ne pourrais-je l'emmener telle qu'elle dans mon palais, l'adorer dans son sommeil? Même si on attelait 24 bœufs, on ne pourrait la tirer de là. Fée Caraboche, je t'ai fait pour vivre sans histoire. Ouais, c'est ce que finissent par dire tous les grands aventuriers. Oh, faites que j'épouse un jour bourgeoisement cette belle dormeuse. Es-tu si sûr de ton amour, Barbe Bleue? Comment n'en serais-je pas sûr? Elle m'a appris à m'oublier, à sortir enfin de mon corps triste de carnassier. Oh, pourquoi, fée Caraboche, m'avoir donné dès le berceau cette colère et plus tard ce pouvoir terrible sur les femmes et cette impunité pour me faire enfin tomber amoureux de cette insaisissable petite dormeuse? Vous nous poussez au monde, nous pauvres hommes, avec nos désirs, notre avidité, nos vices et nos vertus, plus encombrantes parfois que les vices. Et arrangez-vous comme vous pourrez, débrouillez-vous là-dedans. Hein? Tu vas dire que c'est ma faute maintenant. Tu peux te plaindre, Barbe Bleue. Tu as fait jusqu'ici tout ce que tu as voulu. C'est la première résistance que tu rencontres sur ta route. Fée Caraboche, si vous ne pouvez la réveiller, faites du moins que je m'endorme auprès d'elle, que je lui tienne compagnie. Jamais de la vie. C'est pas mon genre de travail. J'aime les gens actifs, moi. Fée Caraboche, carabossette de mon cœur. Ouais, si je consens à te faire ce plaisir, c'est bien parce que tu n'as pas été toujours une poule mouillée. Assieds-toi là. Je vais t'insérer dans son monde fermé. Mais je te préviens, ce sommeil peut durer longtemps. Et si elle se réveille un petit moment, ne voudrait-il pas mieux que j'aie quelques aliments, quelques friandises à lui offrir? Quelque chose de léger. Oh, quel enfantillage! Mais elle n'aura besoin de rien. Ne faut-il pas que j'emporte un peu de linge pour elle? Un peu d'argent pour ce grand voyage? Que les dépenses sont plus que minces dans le sommeil. Eh bien, en route. Oh, pardon, les nuits sont froides. Ne pourriez-vous pas lui mettre ce plaid sur ses genoux délicats? Ah, voyons, voyons, il faut en finir. Il n'y a pas que vous deux au monde. On m'appelle ailleurs aussi. Il y a tempête sur la côte, et des bateaux qui coulent, et des hommes qui se noient. Ça vaut le dérangement? Fée Carabosse, je suis prêt. Et souhaitez-moi bon voyage. Ah, tout de même. Allons, bonne route. Pas de vacances, vaut rien. Eh ben, ça ne te suffit pas? J'ai aucune envie de dormir. C'est pourtant une baguette toute neuve. Il a une vitalité formidable. Quel gaspillage que ce sommeil dont tu veux absolument. Je crois que ça vient tout de même. Vous devriez augmenter un peu la dose. Je veux bien être bonne fille, mais je te préviens que je ne vais pas rester là toute la journée. J'entends un de mes filleuls qui m'appelle en plein océan. Il y a déjà d'immenses vagues qu'il réclame. N'as-tu pas honte de me retenir ici pour tes vilains bobos de cœur? Cette fois, je ne bouge plus. Il a son compte. Sa tête repose sur le côté comme s'il avait reçu un coup d'épée jusqu'à la garde. Et il lui fallait ceci et cela. Drôle d'homme. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Et jusque dans le sommeil, ils craignent de manquer de tabac et d'allumettes. Allons, vite! Direction Atlantique! Oui, j'arrive! J'arrive! Première lueur de l'aube d'un beau jour. Dans la grande salle du château, depuis plusieurs siècles, la Belle au bois dort. Au pied du lit, le chaboté dort. Dans un fauteuil, Barbe Bleue dort. Tous trois rêvent. Est-ce bien toi que j'entends à travers mon grand sommeil? Chaîne blanche de montagne qui me sépare de toi. Suis-je sur la vieille terre où les distances ressemblent à ces lignes de nos mains? Nul ne sait qui les assemble. Sans m'étonner de ma puissance, je monte dans le ciel de France si haut que l'étoile Arcturus me gratte le cuir chevelu. Quelque chose va m'arriver. Nous dormons depuis si longtemps que nous ne comprenons plus bien si le monde est encore le monde ou une lettre déchirée. Athalie, Virginie, Eudoxie, Amélie, Eulalie, Iphigénie, Coralie, femme de cauchemar, ou l'ordre. Oh, qui jamais me rendra la belle au bois, la plus belle, je galope derrière elle, qui va plus vite que moi. On a frappé, je crois. Est-ce au dehors ou dans mon rêve? Oh, je suis un peu engourdi. J'ai dormi longtemps. Il doit être tard, mon ménage n'est pas encore fait. Je ne saisis pas très bien. Que s'est-il donc passé? La belle au bois? Monsieur de Barbe Bleue? Et pourquoi ne sont-ils pas dans leur chambre? Que la vie est étrange. N'essayons pas de comprendre tout à la fois. Commençons par y voir clair. Nathalie, Virginie, Eudoxie, Alalie. Oh, il voudrait épouser cette jeune fille. Tu n'as pas honte, cette foise impure? Les hommes ne se gênent pas, vraiment. Là devant tout le monde. Nathalie, Amélie, tu vas rester là bien sage, hein, Hougard. C'est vous, marraine, qui allez d'un côté et l'autre de la pièce? Ce n'est pas votre marraine. Quel est cet inconnu à mes pieds? Ce n'est pas un inconnu. Ses cheveux sont drôlement coupés. C'est peut-être que la mode a changé. Mais ils me plaisent beaucoup ainsi. Qu'ils sont doux au toucher. C'est la première fois qu'une femme me parle avec tant de persuasion. Cette voix délicieuse se répand dans tout mon corps d'animal. Ne daigneriez-vous pas vous montrer un peu que je vous vois, mon ami inconnu? Ne cherchez pas trop. Pensez plutôt à vos frères inférieurs. Oh! Oh, le chat beauté! Oh, quelle chance de se retrouver! Mais d'où sortons-nous ainsi? Que nous est-il arrivé? Est-ce une table, cela? Est-ce une chaise? Et cette maison? Je n'ai rien. Comment c'est rien? C'est pas une maison? Mais oui, c'est une maison, c'est même un château, et qui plus est le vôtre, mademoiselle. Et ma reine? Pourquoi ai-je peur ainsi pour elle? Ne l'ai-je pas entendu qui nous échappait à tous à travers mon premier sommeil? Elle n'a pas fait plus de bruit qu'une petite souris qui s'échappe. Et il y avait quelqu'un d'autre à qui je tenais beaucoup. Oh, oh, comme je tenais à lui! J'ai oublié son nom et son visage. Moi, je me souviens que ce n'était pas un mari pour vous. J'ai oublié son nom et son visage, mais je suis sûre, tu m'entends? Cela, je ne l'ai pas oublié. Je suis sûre que je n'aimerai jamais que lui. Oh, mais où est-il, cet être dont je cherche les traits au fond de ma mémoire impardonnable? Nous avons dû dormir bien longtemps. Votre marraine avait la main un peu lourde. Et quand elle endormait quelqu'un, ce n'était pas pour un moment. Chaboté, j'ai dû vieillir horriblement sur cette montagne de sommeil. Je dois avoir l'air d'une arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Oh, j'ai peur des miroirs. Tenez, en voici un. Vous verrez qu'il ne vous veut que du bien. Oh, oh merci, Chaboté. Et merci à vous, ma bonne marraine, de m'avoir laissé intacte. Et pas une piqûre de mite à ma robe. Ni à ma fourrure. C'est tout de même une satisfaction. Oui, tout ça est de l'ouvrage bien fait. Il y a bien au mur quelques traces d'humidité, mais ça vient du dehors, et votre marraine n'en est pas responsable. Oh. Oh, vous marchez comme sur les flots, et je suis là comme un gros poisson autour de vous. Mais voyons, ne divaguons pas. Je vais remonter l'horloge pour me donner du sérieux. Il doit être 6 heures du matin, entre 6 heures et 6 heures 5. Eh? Voyez comme elle a su se réveiller aussi, l'horloge. Belle au bois, il y a une lettre pour vous. Oh, mais tu veux rire? Au sortir de cette nuit immense, comment peut-il y avoir une lettre pour moi? C'est une lettre qui est arrivée sans facteur, sans messager, silencieusement. Je viens de la découvrir sur la cheminée. C'est l'écriture de ma reine! À la belle au bois, le jour de son réveil. Et cette lettre attend là depuis des siècles, peut-être. Un gentilhomme te réveillera dans bien des années. Oh, je ne puis achever. Pauvre marraine. Et, au fait, comment nous sommes-nous réveillés? Et on a frappé à la grande porte, puis du côté de la cuisine. Vous entendez? Impossible de pousser cette porte! Et ni d'ouvrir cette fenêtre! Ni celle-ci! Ni celle-là! Oh! Nous sommes emmurés! Nous ne pouvons qu'attendre. Attendre qu'il pousse la porte. De l'intérieur, c'est trop dur pour nous. L'humidité, la rouille, nous n'avons pas d'outils. Est-ce la mort qui pousse la porte? Hé! Hé, là-bas! Jean du dehors! Que nous voulez-vous? Que désirez-vous? Où les mains, les fantômes? Mais nous ne sommes pas des fantômes. Pardon, mademoiselle. Je ne sais comment m'excuser. Il est donc vrai que vous étiez ici. Ah, je suis confus à l'extrême. Moi qui aurais tant voulu pénétrer dans cette demeure avec un respect infini. Nous nous en sommes bien aperçus. Si vous saviez tout ce qui se passait en moi, c'est la première fois que je touche le miracle du regard. Et c'est le célèbre Chaboté qui est là. Je suis célèbre, moi? Ce que c'est que de dormir. Croyez bien, monsieur, que nous ne sommes pas moins émus. Je me demande, mademoiselle, si vous êtes là devant moi ou bien en moi, dans quelques replis ensoleillés de ma mémoire. Mais vous souriez, vous bougez. Vous aussi, monsieur, vous êtes là comme au fond d'un rêve, dans un accoutrement de rêve. Et nous nous touchons la main comme deux somnambules qui se rencontrent sur le toit d'une maison. Il n'y aura jamais rien de plus beau dans l'histoire du monde qu'un tout jeune visage qui traverse les temps sans vieillir d'un seul jour. Et puis-je savoir, monsieur, ce qui vous a donné l'idée de venir dans ce château perdu? J'allais comme un sourcier en quête de votre demeure dans tout le pays. Quand m'étant approché de ce château tout caché sous le lierre et le feuillage, je vis que quelque chose comme une haleine s'échappait des cheminées. Oui, on eût dit la respiration très légère de la maison. Comme c'est étrange. Je ne suis pas peu fier d'avoir découvert le château de la Belle au Bois Dormant. Vous saviez donc que je dormais? Mais le monde entier le savait. Même les petits-enfants des écoles. Et quand il faisait trop de bruit, ils avaient la crainte obscure de vous réveiller. Mais on ignorait où était votre maison. On la cherchait un peu partout. Et maintenant, je ne sais comment j'ai osé. Mais monsieur, vous nous avez rendus à la vie. Un homme moderne sait donc ainsi faire. Un homme de nos jours, enfin, non, de vos jours. Je ne sais plus comment dire, tout m'est devenu un peu difficile. Et peut-on savoir ce que c'est que ce costume que vous portez? C'est ce que nous appelons un veston et une culotte de chasse. Ah, et cette chose autour du cou? Ça, c'est le faux col, et ça, la cravate. Oh, il a des boutons dorés à son veston. Il y a dessus un corps de chasse. Oh, je suis heureuse de savoir qu'il y a encore des corps de chasse au monde. Il n'y en a plus beaucoup. Ceux qui restent sont presque tous réfugiés sur les boutons des chasseurs. D'où viendra? Soyez pas si pressés. C'est lui. C'est Barbe Bleue. Où est-il? Aide-moi à le découvrir, que je le vois. Oh, il est là aussi, et par quel miracle. Regardez-le bien, monsieur. C'est lui que j'aime. Nathalie, Virginie, Eudoxie, Amélie, Eulalie, Iphigénie, Coralie. Oh! Il n'y a décidément rien à faire de ce garçon. Allons, puisqu'il le faut, faites avancer Nathalie dans sa robe de brocart grenat, Virginie dans ses pâles dentelles et Eudoxie avec un seul escarpin pour tout vêtement. Tant mieux si ça l'a fait boiter. Comme il vous est infidèle. Il est bien tel que la tradition nous l'avait légué. Oh, monsieur, je vous en prie. Ah, veuillez disparaître un instant, monsieur, sous ce manteau, pour ne pas troubler son réveil. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu à m'endormir ainsi devant tout le monde? Hein? Et cette figure de cauchemar? Hein? C'est vous qui devriez faire attention à votre figure et à celle de vos rêves. Hein? Parlez en dormant de façon dégoûtante. Je parle en dormant, moi? Vous appeliez à vous toutes vos femmes. Nathalie, Virginie. J'étais de la fumée de rêve. Et Coralie? Oh, est-ce qu'elle pouvait être embêtante, celle-là? Et vous étiez là près de moi, Belle au Bois. Quelle joie de vous revoir. Et vous savez, moi, mon ami, je ne me laisserai pas faire comme vos autres femmes. Il faudra marcher droit. Mais j'en ai assez de marcher de travers. Vous n'avez aucune idée des déceptions que j'ai pu avoir. Oh, je veux bien vous croire, mais il faudra vous arranger à l'avenir pour avoir des rêves propres, vous m'entendez? Et si jamais vous prononcez devant moi, même en dormant, un nom de femme autre que le mien... Et nous allons vite reprendre le chemin nuptial après ce léger contretemps. Oh, comme c'est agréable. Mais... Quel est cet homme? C'est un monsieur que nous devons avoir revu le jour. C'est une émouvante histoire. De quel monde sortez-vous, monsieur, sous ce déguisement? Du monde moderne, s'il vous plaît. L'on chercherait en vain une merveille comme mademoiselle. Mais qui êtes-vous donc, monsieur, pour vous permettre de prendre ce ton lyrique devant mademoiselle? Vous oubliez que je suis là? Monsieur, je suis le baron de Beauval. Et moi, je suis le baron de la Barbe Bleue. C'est écrit en toutes lettres sur sa face. Et sur la mienne, on voit aussi à qui on a affaire. Nous avons tous les trois des visages francs comme l'or. Je ne m'attendais pas, monsieur, à vous voir au château de la Belle au Bois Dormant. C'est contraire à toutes les prévisions et aux enseignements de la légende. C'est à croire que vous faites erreur. Je vous dérange, peut-être? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais on avait raison d'affirmer que la maison était hantée. La maison, monsieur, n'est hantée que par vous. Vous êtes ici chez la Belle au Bois et chez moi. Nous avons été là tout le temps. Mais le temps ne fait rien à l'affaire, mon cher contemporain. Peut-on savoir pourquoi vous regardez ainsi le plafond avec cette insistance? Seriez-vous architecte? Tout cela a l'air de tenir parfaitement. Mais pourquoi voulez-vous que ça ne tienne pas? Vous arrivez chez les gens et vous les humiliez aussitôt en doutant de la solidité de leur toit. C'est vraiment une étrange façon d'accepter l'hospitalité, si hospitalité il y a. Monsieur doit avoir ses raisons. Qu'il les dise alors. Je dois avouer qu'une aile du château... Enfin, comment dirais-je... Cette aile-là... Eh bien quoi, cette aile-là? Elle s'est effondrée. Mais... Le reste tient très bien. Je pensais que vous étiez au courant. Mais comment voulez-vous que je sois au courant, moi qui n'ai pas mis le nez dehors? J'avais déjà remarqué que cette aile manquait un jour que je suis venu de ce côté par mer. Par mer? Qu'entendez-vous par là? Par mer? Mais où sommes-nous donc? La mer a beaucoup gagné de ce côté. Elle baigne maintenant les pieds du château. Tenez, vous la verriez de ses fenêtres. Il n'est rien arrivé au ciel, du moins pendant que nous dormions. Le soleil et les étoiles y sont toujours bien accrochés. Le ciel continue à protéger les honnêtes gens, mademoiselle. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit... Monsieur, je vous remercie. Nous sommes un peu comme des naufragés qui viennent d'être déposés par la vague sur le rivage. Nous n'avons plus besoin de rien. Et nous avons besoin de tout, oui. Voilà à peu près notre situation. Mon manoir est à votre disposition, mademoiselle. Bon. Avec tout ce qu'il peut contenir en fait de vivres, médicaments, tout ce que vous voudrez. Voici ma carte. Chaboté, prenez cette carte. Je ferai pour mademoiselle ce qu'elle daignera me demander. Bon, vous l'avez déjà dit. Et moi, je vous répète, monsieur, qu'après tout ce qui nous est arrivé, nous éprouvons le besoin d'être un peu seuls. Mademoiselle... Mais je veux que vous sachiez, monsieur, combien je suis émue de votre sympathie. Allons, dites-lui un mot gentil après tout ce qu'il a fait pour nous. Vous croyez que... Mais c'est indispensable. Bon, monsieur, il paraît que je dois vous remercier. Oh, c'est la moindre des choses. Tout le plaisir a été pour moi, monsieur. C'est que ce Bourval peut être antipathique tout de même. Et vous m'obligez à le remercier. Tout le plaisir a été pour moi. Ah, on est à peine réveillé que tous les soucis reprennent. Et ce plafond qui ne tient plus, et cette mer qui avance, et il part sans me saluer. Et vous voilà bien en colère, monsieur. Et vous m'appelez monsieur maintenant, c'est complet. Vous êtes montré bien désagréable avec ce jeune homme. Mais ce n'est pas une raison pour que vous m'appeliez monsieur. Eh bien, cher monsieur. C'est cela, vous me mettez dans le même panier que ce visiteur inconnu. Mais vous n'y êtes pas en trop mauvaise compagnie, il est charmant. Oui, du genre charmant et écœurant. Oh, mais il n'est écœurant que pour vous. Il représente le dehors, toute la vie qui nous entoure. Étrange visite. Vous appelez ça une visite, un homme qui s'introduit chez vous en enfonçant la porte? Au surplus, il s'est excusé si gentiment. Oh oui, tout ce qu'il y a de plus gentiment. Malingre comme il est, il a l'air d'une femme. Il manque un peu d'animalité. Et sans flatterie, c'est ce qui fait ton charme à toi, Barbe Bleue. Vous n'allez pas lui reprocher de ne pas porter la barbe? C'est pas du tout désagréable de lui voir le dessin de la bouche et du sourire. Affaire de goût et de dégoût. Je ne sais quoi se dégage de sa personne. Vous avez toujours porté la barbe, vous, mon ami? Mais oui, pourquoi pas? Non, simplement pour savoir. Mais vous allez aussi me reprocher sa couleur. Il fut un temps où ce mélange ne semblait pas vous déplaire. Oh, ça ne vous va pas mal. Oui, ma barbe est bien là où elle se trouve. Je n'ai aucune intention de vous l'arracher. Ah, je voudrais voir ça. Vous êtes fâché? Moi, pas du tout. Mais si, vous êtes fâché. Oh, est-ce possible? Parce que ce gentilhomme s'est adressé à moi charitablement, alors que nous sommes seuls au monde comme des enfants qui viennent de naître. Mais oui, parfaitement, moi aussi je suis comme un enfant qui vient de naître. Oui, maman, que je fais? Tiens, il y a là une lettre. Ce n'est rien, c'est de ma pauvre marraine. Qu'y a-t-il donc dans cette lettre? Oh, mais rien de particulier. Alors je ne suis pas digne de voir ce qu'il y a sur ce papier? Puisque je vous dis que ce n'est rien. Et vous n'aimiez pas assez ma reine pour que je vous montre ce mot. Bon, vous avez perdu toute confiance en moi. Je ne suis plus qu'une brute. Ça va, ça va. Mon ami, voyons. C'est cela, allez jouir de votre lettre dans un coin, à l'abri de vos meilleurs amis. Et elle ne veut pas me montrer cette lettre, moi qui avais en elle une confiance absolue et qui me suis fait endormir à ses côtés pour l'accompagner humblement durant des années et des années, sans obtenir la moindre faveur. Alors que pendant ce temps-là, j'aurais eu à ma disposition toutes les femmes réveillées et bien réveillées, j'en réponds. Eh, que veux-tu? Tu étais le premier homme qu'elle voyait. Elle t'a trouvé remarquable et pour ainsi dire unique. Beauval est le second homme qu'elle voit, elle le trouve également remarquable et pour ainsi dire unique. Elle est logique, elle n'a pas changé. Et peut-être pense-t-elle que la nature lui ayant donné deux yeux, un jeune homme pareil est un compte raisonnable. Être ainsi induit en erreur par une gamine, il y a de quoi être amer, je t'assure. Que ça puisse m'arriver. À moi. À moi. Et Maury, moi. Voilà toute l'humanité. Oui, voilà l'étrange, car enfin tout le reste du monde, c'est une triste et incolore purée humaine. Eh bien, sache que je ne vais pas attendre qu'elle veuille bien se décider à consentir à bien vouloir me tromper. Ah non. Ah mais non. Et il y a des espèces de sourires entre hommes et femmes qui ne suffisent largement, et des belles phrases poétiques comme ils s'en sont dites tout à l'heure, qui agissent sur les sens et vous laissent béant. Comme tu exagères. Ils se voient aujourd'hui pour la première fois. Après la première fois, il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième. Je ne veux pas rester là, les bras croisés, à faire de l'arithmétique. Mais tu es fou. Faut savoir lutter un peu, défendre ses positions. Je ne sais pas si je deviens fou, mais en ce moment, je les vois tous les deux, dans sa chambre à elle, à quatre pas de moi, et il avance vers la belle, son ignoble figure. Et elle trouve ça très bien. Il y aurait qu'à ouvrir la porte pour voir qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de quoi te terroriser ainsi. Le comble, vois-tu, Chaboté, c'est que s'ils étaient vraiment là tous les deux, je serais incapable de les tuer, absolument incapable. Moi qui... Toi qui ? Moi qui... Je ne sais plus que souffrir. Retourner contre moi toute la souffrance dont les autres n'ont pas voulu. Et dire que j'étais content de la transformation que la belle avait opérée en moi. Et elle a fait de moi un agneau, un saint, c'est tout ce qu'il y a de plus dégoûtant. Et je serais dans l'impossibilité de leur faire le moindre mal à tous les deux. Va pas le lui dire, hein. Est-ce que je n'aurais pas dû lui lancer ma main à la figure ou lui botter ses fesses lamentables quand il s'est permis de faire des compliments à ma fiancée? Il est resté dans les limites de la courtoisie. Est-ce que je n'aurais pas dû prendre de force la lettre de sa marraine? Comme je préférais l'homme que j'étais autrefois. Maintenant, je suis un possédé de cette femme et elle s'agit en moi. Tu vois cette main, Chaboté? C'est elle qui la gouverne, c'est elle qui commande aux pouces et aux autres doigts. C'est elle qui en fait une main sans orgueil, sans espérance. Ah, oh, j'en perds la raison. Eh bien non, non, non, je ne me laisserai plus faire. J'étouffe ici. J'ai besoin de me retremper le cœur dans le château où j'en ai tué sept. Ne sors pas, malheureux. Le dehors n'est pas fait pour toi. Je vais à la rencontre de mon moi véritable, de mon vieil ami Barbe Bleue, de mon seul ami Barbe Bleue, qui est perdu quelque part dans le monde et qui m'appelle à grands cris. Il est complètement fou. Et qu'il s'écroule, ses murs, prêts à tomber en ruine. Ah, ils ne sont plus là. Il doit bouder dans sa chambre. Oh, pourquoi l'avoir fait enrager ainsi? Parce que je n'aimais jamais que lui. Mais quel démon me poussait. Je veux le guérir de cette ridicule jalousie, faire de lui une perfection absolue. Une perfection absolue. Oh, je suis sûre de l'avoir rendu très malheureux. Je n'ai pas su m'y prendre. Barbe Bleue. Barbe Bleue. On entre ici comme dans un moulin depuis que j'ai enfoncé la porte. Pourrais-je présenter mes respects à Mademoiselle la Belle au Bois? Et ne les avez-vous pas présentés tout à l'heure? Ou bien est-ce qu'en ce siècle, on présente ses respects aux demoiselles toutes les demi-heures? Mais... Mademoiselle repose dans sa chambre. Que désirez-vous, monsieur de Beauval? Ces fleurs sont pour le Chaboté? Jamais de la vie! Ces fleurs sont pour vous, mademoiselle. Savez-vous que je suis fiancée à monsieur de la Barbe Bleue? J'aurais justement tant de choses à vous dire à ce sujet. Ah, il y a de quoi pleurer de vous voir ici en pareille compagnie. Eh bien, pleurez, monsieur, pleurez. C'est le droit de quiconque à un mouchoir sur terre. Oserais-je vous dire que je souffre de la légèreté avec laquelle vous m'écoutez? Savez-vous que je viens ici avec des lettres de créance? Elles sont contenues dans ce livre. Il vous dira mieux que moi ce qu'il faut penser de ma visite. C'est un document qui fait autorité en la matière. Cela s'appelle les Contes de Perrault. Et on y narre votre histoire véritable. Voyez-vous-même la page 35, mademoiselle. Vous avez corné la page. Ah, vous pensez à tout. Ligne 12, je n'invente rien. Il y est dit en toutes lettres que vous épouserez l'homme qui vous a réveillé. Et vous seriez ce prince charmant. Ma foi, oui. Et ce n'est pas tout encore. Quelques pages plus loin, dans l'histoire authentique de monsieur de la Barbe Bleue, on dit sur lui des choses... Des choses que vous avez soulignées au crayon. Marié à plusieurs reprises, ce n'est certes pas du crime relativement bénin de polygamie qu'on l'accuse, mais plutôt du contraire. Je veux dire d'avoir molesté, définitivement molesté ses femmes. Il les a molestées. Et quand je dis molesté... Et quand vous dites molesté, j'ai la plus grande envie de vous donner une paire de gifles, je les donne. Est-ce que vous commencez à comprendre à la fin que vous n'avez pas à fourrer votre triste nez dans notre vie, où vous êtes entré comme un voleur, et que nous comptons, monsieur de la Barbe Bleue et moi, régler notre vie comme nous l'entendons? N'avez-vous pas saisi que nous sommes des évadés de la légende, vous entendez? Chaboté! Chaboté! Délivre-moi donc ce monsieur et dis à monsieur de la Barbe Bleue que je l'adore et que je l'attends pour souper. Ah, mademoiselle, il n'y a plus de souper. Il n'y a plus de Barbe Bleue, il n'y a plus rien. Il est parti pour ne plus revenir. Que dis-tu là? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'en empêcher. Mais où est-il? Où est-il donc? Mélangé à la nuit qui tombe, il a disparu dans le crépuscule. Et vous, monsieur, mais allez me le chercher! Retrouvez-le si vous voulez me montrer que vous êtes un gentilhomme. Mais allez donc, vous êtes là immobile comme un immeuble. J'y vais, j'y vais. J'en fais une affaire de courtoisie. Je voudrais aller à sa recherche. Mes jambes ne me portent plus. Et toi, Chaboté, va aussi me le chercher. Sans lui, je suis plus seule que la plus malheureuse des pierres. Oh, ramène-le-moi. Je ne puis pas non plus me passer de lui. Mais dépêche-toi. Ma vie en dépend. Nuit horrible. Nuit moins noire, pourtant que mon cœur sans mon ami. Pour quelques minutes de bavardage avec un indifférent, ai-je perdu mon bonheur? Oh, belle au bois, arrivée à ton malheureux château. Tu l'as laissé échapper. Et il n'est plus maintenant que le corps même du désespoir dans les ténèbres. Nuit affreuse, rends-le-moi, ce grand garçon qui s'enfuit, ne lui fais pas de mal, ramène-le-moi comme un enfant retrouvé. Oh, je n'entends plus que les heures qui sonnent et le faible bruit de la mer où sont les noyés. Bien sûr qu'il ne s'est pas tué, n'est-ce pas? Que voulez-vous que je fasse maintenant de mes yeux et de mon cœur? Petit jour de derrière les vitres, ne viens pas à moi les mains vides. Tu serais tout pareil à la nuit. Ramène-le-moi. Il y a trop de désespoir entre ces quatre murs. Chaboté, tu l'as rencontré. Oh, il te suit, n'est-ce pas? On ne sait ce qu'il est devenu. Mon Dieu, dans quel fourré cache-t-il sa douleur? Chaboté, le malheur en a trop pris à son aise avec moi. Je vais voir si je ne le trouve pas aux abords du château. J'ai aperçu une chatte qui s'en allait dans les bois tout à l'heure. C'est toujours du même modèle. Beaucoup trop petit pour moi. Tout à fait insignifiant. Je vais encore être une nique dans mon genre comme le bon Dieu. Mais je ne vais pas pleurer pour ça. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le Chaboté. On m'a dit que je pouvais vous remettre ce monsieur. Mais qu'est-il donc arrivé? Je vous dirai, monsieur l'animal, comment je l'ai trouvé sur ma route alors que j'étais en tournée. Oh, il ne faut pas que mademoiselle le voie ainsi, il est en lambeaux. Je voudrais le réparer un peu avant qu'elle n'entre. Alors quoi, Barbe Bleue, voyons, qu'est-ce qu'il y a donc, mon vieux? Oh, il ne vous répondra pas, il ne comprend plus rien à ce qu'on lui dit. Oh. Le pauvre homme doit souffrir d'une indigestion des mots d'amour qui lui sont restés sur le cœur. Si nous arrivons à lui en faire dire un seul, il vomira les autres et se sentira soulagé. Où l'avez-vous rencontré? Dans les bois, avec ses vêtements déchirés et regardant au large. J'ai cru d'abord qu'il avait bu, mais il sentait pas le vin. Il ne répondait pas plus qu'une bouteille vide aux politesses que je lui faisais. Et pourquoi lui avez-vous mis des menottes? À cause de la couleur de sa barbe, qui est célèbre dans les annales du crime. Ah, vraiment? Il restait là, complètement hébété, quand j'y pensais ses amoureuses. Je vais pouvoir maintenant les lui enlever. Mais il n'eut point un mot, point un sursaut. Même quand j'ai mordi la main, pour voir. Je comptais l'emmener en prison. Mais un de mes supérieurs, rencontré sur la route, m'a dit qu'on ne pouvait rien faire contre ce personnage. Qu'il ne pouvait être jugé que par des magistrats de son temps. Qu'il était comme une figure légendaire. Quelque chose comme un monument historique. Et qu'il fallait le ramener au château dont il s'est échappé. Je vous rapporte donc ma capture. Alors... veillez sur lui. Adieu, garde. Belle au bois, il y a quelqu'un pour vous. Il arrive à s'étoucher. Venez, il ne peut pas ouvrir la bouche. Mais il est effrayant avec ses yeux-là. Quel est cet étrange château? Et cette femme qui me regarde de tout près comme si j'étais de pierre? Mais vous ne me reconnaissez pas, mon ami? Vous êtes au château de la Belle au bois. Silence! Pour qui a connu la Belle au bois? Les autres femmes n'ont pas plus d'importance que des ânes ou des moutons. Qui êtes-vous donc? Une pauvre fille que je n'ai jamais vue et qui rêve sans doute d'un amant en attendant un mari. Il fallait la voir, elle, entrer ou sortir, ou simplement prendre un objet, ou plus simplement encore baisser la voix jusqu'à se taire. Ah, je la vis, je connus la joie. Et ce ne fut que pour la perdre. Mais elle, c'est moi. C'est moi qui étais votre compagne dans cette nuit immense. C'est facile à dire, c'est moi. Ce ne sont que deux syllabes imprononcées. Le baron de Beauval disait aussi « c'est moi ». Tout le monde peut dire « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Oh, comment aller jusqu'à vous, homme de par-delà les montagnes. Dans les ténèbres de moi-même, mon cœur aveugle est un forçat. Il fait un faible bruit de chaîne et nul ne le consolera. Il confond la nuit et le jour, tourne ma roue. Je ne suis rien, je suis un homme, tout seul, au fond de son amour. Ami, ta roue est un rouet, c'est un objet très familier qui depuis cent et cent années accompagne nos destinées. Regarde le mieux, Barbe Bleue, c'est mon rouet, reconnais-le. C'est mon rouet de tous les jours qui nous confond d'un même amour. Qu'y avait-il dans cette lettre qu'on ne voulut pas me montrer? Elles ont toujours une lettre au fond du corsage fourré. Voici la lettre, mon amour, mais il n'y avait rien dedans. Tu peux la lire et la relire, ce sont quatre mots innocents. Oh. De quel côté de ma tête est la vérité? Faut-il que je vous demande pardon de ce que je n'ai pas fait pour que mes paroles atteignent enfin votre entendement? Une jeune fille avance vers moi à pas pressés sur une route. Que la vérité vous monte peu à peu dans les veines du bras jusqu'au cœur. Comme elle grandit vite à mesure qu'elle approche. Belle au bois, d'où venez-vous ainsi? Je ne vous ai pas vu entrer. Mon grand enfant égaré. Vos yeux, vos arcades sourcilières. Mon pauvre personnage. Vos lèvres merveilleuses, votre unique menton. Mon barbouillé de bleu. Et vos mains au bout des manches. L'agneau de mon sommeil. Toutes ces choses qui viennent presque de l'au-delà prendre exactement la place qu'elles occupaient auparavant et qui me rendent un à un les morceaux de ma raison. Barbe Bleue, raisonnable maintenant comme la lumière du jour. Dites-moi que vous ne me ferez plus de ces peines atroces en vous sauvant ainsi. Vous ne serez plus aussi aimable avec des inconnus. Jurons-nous de ne plus nous quitter. Comme si nous étions reliés ensemble. Je le jure sur... Je le jure sur le rouet. Je jure aussi de ne plus vous quitter, mes amis. Et d'autant plus que si le visage des bêtes pouvait être bouleversé, ce serait le moment. J'ai voulu aller vers la Loire, rien à faire. Puis direction de l'Ouest, rien à faire. Mes bottes ne fonctionnent plus. Je ne fais que de tout petits pas de chatte prête à mettre bas. C'est un bien grand malheur. Mais ça va revenir, ce n'est qu'un malaise. C'est bien fini. Les fées ne sont plus de ce monde. Et nous sommes là comme des exilés tous les trois. Je me sens tout drôle. Et vous, Belle au bois? Je n'ai besoin de rien. Je suis légère. Légère, comme si j'allais m'envoler. Est-ce que vous ne me sentez pas... vous-même, un peu étrange? Nous sommes tout à la joie de nous être retrouvés. N'y a-t-il pas autre chose? Il me semble que la vie s'est séparée de moi. Je n'éprouve aucun malaise. Mes chabotés, tiens, si j'essaie de me couper avec les ciseaux, je ne sens rien. Aucun sang ne coule, regarde. Je regarde une jolie main, je ne vois rien d'autre, en effet. Tu ne diras pas à Barbe Bleue, n'est-ce pas, que le sang ne coule plus dans mes veines? Il ne faut pas inquiéter les hommes inutilement. Que t'a-t-elle dit? Comment se sent-elle? Dis vite, j'ai besoin de savoir. Oh, elle n'est nullement inquiète. Vraiment? Je vais te dire quelque chose, mon vieux chaboté. Le feu ne me brûle plus. De l'eau bouillante m'est tombée sur la pâte à la cuisine. Et sur le moment, ça ne m'a pas été du tout désagréable. Mais à la réflexion, heureux les chats échaudés. Ne sommes-nous donc plus que des fantômes? Et la Belle au bois, un petit fantôme au cœur arrêté? Mais enfin, chaboté, je te touche, je t'étreins, tu n'es pas une ombre! Je suis tout de même en chair et en os. Tenez, voilà de la chair. C'est même mon petit ventre, je le reconnais bien, il n'y en a pas deux comme lui. Et voilà un os, ma patte. Et en voilà encore un. Les figures de nos rêves se croient sûres de leur corps aussi. J'aime cette menace du destin, j'en suis fière, elle est la même pour nous deux. Je pense à ce goût des images que ma reine voulait m'inculquer, qui vient maintenant à notre secours à tous les trois. Oh, je ne peux plus bouger la main. Pourtant, je ne ressens aucune angoisse. Je ne peux plus bouger le pied. Et vous, comment vous sentez-vous, mon ami? Je voudrais vous aider, Belle au bois. Voilà que je ne sais plus tourner la tête de votre côté. N'allez pas croire que je ne sois plus qu'un chat de gouttière, à la patte cassée. Je me vais pas mal du tout. Mais qu'y a-t-il? Que vous arrive-t-il? Comme vous avez l'air loin de tout. Des personnages comme nous ont des occupations intérieures. Ne voulez-vous pas qu'on ouvre les fenêtres? Eh bien, ouvrez les fenêtres. Pauvres hommes qui passent leur vie à ouvrir et à fermer les fenêtres. Oh là, quelqu'un, ils ne vont pas bien du tout. J'avais bien fait de ne pas m'éloigner. Il faut faire dire tout de suite le médecin avec des réconfortants. Nous n'avons besoin de rien. Nous sommes heureux ainsi. Au revoir, tout le monde. Je commence à voir enfin de grandes chattes beauté et bien proportionnées. Mais leurs yeux brillent d'un plaisir et d'une fièvre qui nous échappe. Sage comme une image. Partons ensemble pour région inconnue. Souvenir à tous. Amitié, signé, Barbe Bleue. Sommes inséparables. Comme héros, histoires différentes, reliées sous même couverture. Mais, entre chacun de nous, il y a une page blanche. Signée, le chat beauté. Nous nous éloignons tous trois, mais pour mieux nous rapprocher, à la faveur du papier qui gardera notre joie. Nous nous éloignons. Les voilà devenus des images d'Épinal. Ils sourient, mais ils sont tout plats. Ils s'étaient échappés du livre, mais ils rentrent au bercail. C'est vrai. Le Théâtre Populaire de juin 44 vient de vous faire entendre, sous la direction artistique de Roger Dattis et présenté par M. Maurice Bertrand, La Belle au bois, une pièce en trois actes de Jules Supervielle. Voici quels en étaient les personnages et acteurs. Barbe Bleue, Jean Davy, sociétaire de la Comédie Française. La Marraine, Germaine Dermoz. Le Chaboté, Hieronymus. Le Baron de Beauval, André Burgère. Le garde, Pierre Ferval. La fée Carabosse, Olga Nilza. La cuisinière, Odette Briane. Le page, André Gire. Et dans le rôle de la Belle au bois, Arlette Thomas. Prise de son, Roger Forgeau, assisté de Georges Girard. Cette fiction a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 28 décembre 1951. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.